Le meeting pour féliciter les joueurs et entraîneurs qui ont fait honneur à la patrie avec les médailles lors du championnat mondial d'haltérophilie junior 2017 a eu lieu le 27 au palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont pris part Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, les officiels intéressés, les permanents de l'Union de la jeunesse, les joueurs, les entraîneurs, les jeunes étudiants de Pyongyang. Les citations du parti et de l'État sont conférées aux joueurs et entraîneurs qui ont obtenu de bonnes performances au dernier championnat. Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, a dit dans son discours que le succès des joueurs et entraîneurs inspire de l'encouragement à nos militaires et civils engagés dans l'œuvre pour appliquer la décision du 7e congrès du parti. Il y a eu ensuite les interventions. Au terme du meeting, la troupe de propagande artistique centrale de la jeunesse a donné un spectacle en guise de félicitations aux joueurs et entraîneurs vainqueurs.